Bonjour à tous. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis Béatrice Minois, je suis la directrice du Pays de Puisaye-Forterre. Pas franchement une urbaniste, pas franchement une spécialiste en climat ni en énergie, mais bon, pour autant, j'assure une coordination globale de toutes les actions qui se mettent en place à l'échelle du pays et dont on était plus ou moins à l'origine. Je vais peut-être vous apparaître à l'issue de la présentation comme étant un petit peu un contre-exemple en matière de méthode et puis finalement de processus logique par rapport notamment à ce qui vient de vous être présenté. Parce que bon, nous, ce qu'évoquait Renaud tout à l'heure sur notre territoire, on a un petit peu construit les choses en sens inverse, mais cette réalité, elle est vraiment liée à une évolution et à une montée en maturité des élus, enfin des acteurs du pays sur ces questions d'aménagement. Et c'est vraiment ce sur quoi il nous avait semblé intéressant de vous faire un retour. Désolé. Non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est plutôt. Donc moi, j'entrerai beaucoup moins dans les mêmes logiques que ce qui a été présenté. Si toutefois je peux entrer dans oui, une... C'est un peu de ma chemin. C'est pas grave. Non, mais sinon j'ai ma clé. Il a marché tout à l'heure ? Oui, il a fonctionné tout à l'heure, mais... Bon, sinon il faudra m'écouter religieusement. Et ne regarder que... Vous voulez que j'essaie avec ma clé ? Oui, je veux bien, mais... C'est cette clé-là, hein. Non. Moi j'ai pas du tout PowerPoint, mais j'ai la visionneuse. Qu'est-ce que je fais donc là? C'est bon, je peux la... On va pas le contrarier? Je veux bien. Oui, voilà. Je veux bien, okay. C'est curieux ce que tu fais. Oui, mais. Je pense que c'est le logiciel qui est là, il s'éteint. Il est allé dans la configuration. Enfin, pas la configuration. Gestionnaire des tâches. Oui, peut-être. Oui, effectivement. Enfin, un contrôle, hein, voilà. Ah oui, mais non, là on sent une sorte de maîtrise. C'est trop bien. Je pense qu'on va attendre le micro clair. Excusez-moi. Le pays de Puisaye-Forterre, comme je vous l'expliquais, donc c'est un pays de Bourgogne qui est situé pas très loin d'ici, enfin à peu près 3 heures, qui est plutôt au nord, nord-ouest, de la région. Donc on est un territoire qui regroupe 5 communautés de communes. On était 8 précédemment, on sera 4 dans peu de temps. On a 35 600 habitants à peu près à l'échelle du pays, et puis on est sur 1600 km² de superficie. On a une densité moyenne qui est à 21 habitants au kilomètre carré. Donc, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on a entendu hier en plénière, où on a entendu des 9 habitants au kilomètre carré. Donc, finalement, alors nous, c'est absolument incroyable. Donc, on est sur un territoire qui est quand même à dominante du coup, rurale, et on n'a pas de logique de polarité autour d'une ville principale. On a plutôt un réseau de bourgs-centres dont les bourgs-centres vont de 1200 à 2300 habitants pour la ville d'appui de notre territoire, qui est la ville de Toussy. Voilà, on a la frange est du pays subit l'influence de l'agglomération d'Auxerre, et on a aussi une autre partie du territoire qui est sous influence du Loiret, donc qui est le département voisin sur le côté ouest. En revanche, on n'a encore pas, on commence à voir effectivement des logiques de périurbanisation justement, liées à ces parties-là du territoire. Mais c'est beaucoup moins marqué que l'exemple précédent que vous avez eu, où là, effectivement, on n'est encore pas totalement dans ces dynamiques-là. Il y a beaucoup de couleurs. Je sais pas si on va y arriver. Donc on est un territoire un petit peu comme, qui reprend à peu près quelques caractéristiques quand même de ce qui a été présenté. On a une activité agricole qui est prédominante à l'échelle du pays. On a quand même un patrimoine naturel qui est remarquable, avec une biodiversité très présente, une trame bocagère qui a réussi à rester très, très importante, bien qu'elle en ait pris un bon coup quand même, et qu'il y a un enjeu de réinstauration de ce bocage sur le territoire. On a une population qui est vieillissante, mais bon, ça vous l'a déjà parfait été indiqué. Et puis on a également une logique d'habitat vétuste, d'habitat vieillissant, et puis donc vétuste à la limite de l'indignité sur certaines parties. Et également des revenus moyens par ménage qui sont en dessous des moyennes départementales et régionales, et qui engendrent un vrai questionnement et des problématiques certaines en matière de précarité énergétique dans l'habitat, mais également dans la logique des transports, etc. Voilà, donc a priori je n'ai pas... J'ai été finalement trop long. J'ai pas toute la diapo, c'est pas grave. Donc je vous parlais de... On a mon bagage. Non mais ça n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, je pense que ce qui est intéressant de mettre en avant sur en tout cas l'expérience de mon territoire, c'est le processus dans lequel il s'est inscrit depuis 40 ans. Qui a vraiment permis de... Et l'engagement, finalement, de ces acteurs qui a permis d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors, avec des marges de progression qui sont encore certaines, c'est évident. Mais malgré tout, voilà, il y a eu très tôt, donc dans les années 70, des démarches de travail en commun, des acteurs du territoire, et en particulier, dans un premier temps, dans le domaine agricole, avec des dynamiques collectives liées au drainage. Donc déjà, une première structuration... local par rapport à ça, et une prise de conscience que finalement tout seul dans son petit coin on est peu de choses, et qu'il vaut mieux partir et essayer d'agir ensemble pour être plus fort et puis finalement plus efficace. Ensuite, dans les années 90, le territoire a pu bénéficier de premiers programmes de contractualisation avec nos partenaires, et notamment avec la région Bourgogne. Et ça les a engagés, engagés les acteurs locaux, alors les acteurs du monde agricole certes, mais les élus aussi, parce que de toute façon ils constituaient beaucoup de... ils étaient beaucoup issus du milieu agricole également à cette époque-là. Mais également d'autres acteurs associatifs dans les domaines du tourisme, par exemple. Ça les a engagés dans d'autres logiques, d'autres logiques d'élaboration de projets. Et on a commencé à vraiment parler de projets de territoire qui étaient... multi-thématiques, on commençait à entrer dans d'autres choses que le drainage, ou vraiment la coopération dans le domaine agricole. Et il y a vraiment eu une première évolution des approches et de la compréhension des interactions qui pouvaient exister au sein d'un territoire, et qu'il ne fallait pas forcément voir les choses de manière seulement, enfin, assez sectorielle, quoi. Il y a toujours eu en Puisaye-Forterre, enfin, une espèce de volonté, alors, qui est presque tenace, sur le respect d'un équilibre territorial, enfin, de cette multipolarité dont je vous parlais. Et finalement, enfin, c'est un petit peu le travers que vous craignez, hein, sur le fait de dire, bon, effectivement, on n'a pas de ville principale, mais même celle qui se dessine comme étant notre ville d'appui, notre ville principale, qui a 2300 habitants, celle que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment toujours un refus de concentrer, un refus des élus. Et puis, bon, je vous dis ça depuis 30 ans. Alors, bon, certains sont encore là, d'autres ont déjà changé. Mais un refus de dire on concentre on favorise en quelque sorte pour des questions de rentabilité financière, etc., une partie du territoire plutôt qu'une autre. Il y a vraiment eu un engagement très fort sur le fait de dire non. Enfin, on a des chefs-lieux de canton, enfin, on va encore parler de chefs-lieux. On veut les garder parce que c'est la caractéristique de notre territoire, parce que l'habitat il est déjà très dispersé, et que si demain on concentre tout à une partie ou une autre du pays, ça devient complètement impossible, enfin, en termes de dynamique locale et en termes de vie pour les populations. Voilà. Et en 98, le territoire s'est organisé, structuré, officialisé dans la démarche pays. Et c'est vrai que cette démarche de pays et puis les outils de contractualisation, donc c'est en dessous, hein, ne regardez plus le slide, et les outils de contractualisation, à la fois dans la méthode et puis l'approche, hein, en termes de démarche, et également les financements qui leur étaient rattachés, ça a vraiment constitué un petit peu, ça a apporté un liant supplémentaire, une sorte de ciment, si c'est pas très joli, dans toutes ces démarches un petit peu qui s'étaient générées sur le territoire. Et donc ça a encore amené une vraie dynamique, et une dynamique pérenne, puisque ça continue depuis. Voilà, donc pour ce qui est plus spécifiquement de l'aménagement durable de l'espace rural, on a vraiment, sur notre territoire en tout cas, et de cette logique d'aménagement, politique d'aménagement, si on peut dire ça, on a eu deux leviers sur le pays, deux leviers forts, qui nous ont vraiment permis de sauter un pas. Donc le contrat de pays, notre génération actuelle de contrat de pays, sur la période 2007-2013, où les élus ont fait le choix de consacrer un pan de la stratégie de ce contrat de pays à la problématique de l'aménagement durable de l'espace. Donc, quand je dis on fait le choix, c'est qu'ils ont, dans un premier temps, intégré une volonté d'élaborer un schéma de cohérence territoriale. Donc, vous verrez que finalement, ça s'est fait un petit peu pas dans le bon ordre. Et puis également un choix de doter les collectivités du territoire de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ça c'était donc l'idéal, ce qui était affiché dans la stratégie. Donc sur le comment, le choix s'est quand même traduit sur le fait que 20% de l'enveloppe régionale a été du contrat de pays, donc à peu près 450 000 euros ont été identifiés sur le financement de ce type d'opération. Donc c'était quand même c'était un vrai engagement de la part des élus, parce que c'était 450 000 euros qui ne pouvaient pas aller sur autre chose, entre guillemets, et puis des choses qui pourraient sembler plus logiques et puis plus visibles. Il y a eu aussi de l'engagement de ces opérations une implication forte du pays auprès des collectivités, et une mobilisation de l'ensemble des partenaires, notamment notre partenaire régional, mais aussi les partenaires de l'État, pour essayer d'amener les collectivités à considérer que l'élaboration des plans locaux d'urbanisme... C'est merveilleux, on va voir toute la slide. soit quelque chose d'intéressant à mener sur le territoire, et d'essentiel finalement pour le construire, et avoir la liberté quand même de le construire et de choisir la manière dont il allait évoluer demain. Voilà, donc l'idéal effectivement aurait été de démarrer par un schéma de cohérence territoriale à l'échelle du pays, pour ensuite trouver sa traduction au sein de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Bon, alors parfois il y a l'idéal et puis après il y a la réalité. Donc en fusée forter, mais là on retombe vraiment sur ce qui a été évoqué, hein, de la question de la culture hein, des territoires par rapport à ces logiques d'aménagement. En 2007, le territoire n'était absolument pas mature sur la question des schémas de cohérence territoriale. Et du coup, au niveau du pays et avec nos partenaires, on a mis en place un volet très fort sur la formation-action des élus du territoire sur ces logiques d'aménagement. Qu'est-ce que l'aménagement de l'espace? Qu'est-ce que mes choix, enfin, que génèrent mes choix en matière d'aménagement? Et comment est-ce qu'un document d'urbanisme peut m'aider à justifier mes choix, à comprendre mes choix, puis finalement à mieux organiser mon territoire? Et donc là, on partait loin quand même. Hein. Mais on partait loin parce que, comme exposait Renaud tout à l'heure, on est entouré de champs. Quand on sort des bourgs ou même de nos centres de village, y a des champs tout autour. Hein. Donc, on a vraiment pas le sentiment qu'on a des champs tout autour, c'est quand même plutôt joli. On n'a pas le sentiment qu'il y a un enjeu très fort de maîtrise de l'étalement. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux quand on y habite et qu'on n'a pas vraiment une connaissance de tout ça. Donc il a fallu faire un gros travail d'information, de sensibilisation de l'ensemble des élus du territoire et des acteurs. Donc à N plus 4, hein, donc du coup vous aurez compris que finalement on a commencé par les PLU intercommunaux. C'est pas très très logique, hein, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui on a 4 PLU intercommunaux en cours d'élaboration avec une phase PADD validée ou en passe de lettres. Donc ça représente à peu près 65% de taux de couverture du territoire. On a 10 PLU communaux qui sont en cours d'élaboration à l'échelle d'une communauté de communes qui n'a pas souhaité partir sur l'élaboration d'un PLU intercommunal, mais qui en amont a élaboré un schéma d'aménagement du territoire qui permet quand même de donner un socle, une base stratégique dans l'élaboration de l'ensemble de ces PLU communaux. Donc c'est bien aussi. Et à l'issue de... La fusion des collectivités sur le territoire conduira à la fin de l'année prochaine à une extension finalement des PLU intercommunaux en cours à l'ensemble du territoire du pays. Donc fin 2014, on devrait avoir un taux de couverture intégral en document d'urbanisme sur le territoire. Et puis finalement, les acteurs du pays et puis les élus ont vu que c'était finalement pas si horrible que ça, et que c'était pas si enfermant et puis que la logique de privation de liberté, elle n'était pas si violente que ça quand vraiment on s'intéressait à ce que ça pouvait permettre et qu'on le comprenait. En fin d'année dernière, les collectivités, le syndicat de Pays de Puisé-Forter a pris la compétence élaboration d'un SCOT à l'échelle de son territoire, à l'exception de trois communes sur les 67. Et puis aujourd'hui, le pays s'est engagé dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. Donc là, on en est au lancement du marché. Donc on n'en est pas du tout au stade qui nous a été présenté. Donc a posteriori, ça c'est vraiment, mais on l'a déjà évoqué, mais franchement c'est essentiel que chacun dispose d'un socle commun et vraiment très solide. C'est pas une réunion, une fois pour dire qu'est-ce que c'est qu'un PLU, qu'est-ce que ça vous apporte, qui peut nous laisser penser qu'on a donné les clés et puis après c'est parti, on y va. C'est bon, tout le monde a compris, on va faire quelque chose de bien. Non, c'est vraiment donner un message, le donner régulièrement, le transmettre tout au long de la démarche et pas vraiment encore une fois. Renaud, je vais vraiment penser que... Ouais, non, mais il y a des jours comme ça. Voilà, il y a vraiment une logique de processus en continu, quitte à avoir le sentiment que parfois on est redondant et quitte à peut-être avoir le sentiment parfois d'ennuyer les interlocuteurs et les personnes avec qui on travaille, c'est absolument essentiel pour garder un niveau de connaissance continu, pour l'actualiser et puis aussi pour ne pas perdre les gens en route, parce que ce sont des démarches qui sont longues. il faut vraiment réussir à créer une relation partenariale en continu par le, enfin, bon, nous, notamment entre le pays et les collectivités, puisque c'est par le biais du contrat de pays finalement qu'on a réussi à insuffler un petit peu cette dynamique sur le territoire. Et puis, il faut que cette relation partenariale, que ce soit le pays ou un organisme du territoire un peu autre, enfin extérieur, elle soit continue. Et là encore, tout au long de la démarche, pour sans cesse repositionner le questionnement à une échelle qui dépasse l'échelle communale, intercommunale. Parce qu'il y a, enfin, il y a nécessairement des interactions et des choses qu'on ne prend pas forcément en compte quand on est dans sa réalité de terrain, et ce qui est complètement humain. Enfin, et qui sont, les territoires, on n'est pas, les habitants, quand ils prennent leur voiture, forcément, ils dépassent à un moment ou à un autre leur périmètre de vie, que ce soit pour le motif du travail, mais aussi des loisirs, etc. Et également, et là, donc, je fais le lien avec notre plan climat-énergie, pour s'assurer de l'articulation des démarches de planification en cours avec d'autres démarches qui sont menées à l'échelle du pays ou voire à des échelles plus départementales ou régionales, et notamment une démarche de plan climat-énergie territorial dans laquelle on s'est engagé de manière simultanée, enfin, ou quasi simultanée, avec trois des quatre PLU dont je vous parlais. Donc quand je dis suivi en continu du pays, c'est-à-dire que la chargée de mission plan climat-énergie, est un partenaire des collectivités, participe à l'élaboration des cahiers des charges de consultation, et intervient très en amont, sur de l'information préalable même au lancement du marché, sur les enjeux climatiques et énergétiques qui concernent le territoire et la manière dont il est possible de les prendre en compte dans le cadre des démarches de PLU interco. Voilà, donc effectivement, on a donc en 2009, c'était bon, je vous ai pas fait des petits carrés, des petites flèches, je suis désolée, second levier qui a été ce que je vous évoquais quasiment simultané, c'est qu'en 2009, donc le pays a répondu à un appel à projet lancé par l'ADEME et la région Bourgogne pour l'élaboration d'un plan climat énergie territorial volontaire, puisque c'est ce qui avait été évoqué par l'un d'entre vous. À l'échelle du territoire. Donc, dans la mesure où on était ce qui était bien, parce que c'est qu'on était effectivement dans une quasi. Enfin, on tombait plutôt pas mal au niveau des démarches, et des calendriers de chaque démarche. Dès le lancement de ce plan climat-énergie, on a identifié au niveau du pays une chargée de mission spécifiquement dédiée à cette question. Qui a permis de conduire l'élaboration du plan climat, mais aussi d'intervenir, ce que je vous évoquais tout à l'heure, de manière très régulière au sein des collectivités de notre pays, sur ces questions-là. Donc on avait dégagé, à l'issue de notre diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, trois secteurs principalement émetteurs, transport et déplacement, habitat, activité agricole. Alors ils ne sont pas, organisés en termes d'importance d'émissions. On a l'activité agricole en premier, mais ce qui tient au fait que c'est une caractéristique très forte de notre territoire, donc on est assez logique là-dessus. Ensuite, on a l'habitat, qui renvoie à la vétusté du parc dont je vous parlais tout à l'heure. Et également, transport et déplacement, puisque sur le territoire, compte tenu de son caractère extrêmement diffus, d'un habitat très diffus et de sa multipolarité, on a une ultra-dépendance à l'utilisation des voitures pour énormément de déplacements, évidemment domicile travail, mais aussi pour beaucoup de déplacements liés à des pratiques de loisirs, etc. Et bon, alors les élus, là, j'ai rappelé les engagements qui sont les mêmes que tout le monde, réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de 20% de l'efficacité énergétique du bâti public et privé, et porter à 23% la part des énergies renouvelables produites sur le territoire, sachant que donc, comme dans beaucoup de territoires, on puisait par le bois, et la ressource bois énergie est très présente, et qu'on est déjà, entre guillemets, à 17% juste grâce au bois. Alors du coup, les élus se sont dit, bon, alors on va peut-être essayer d'aller à 23 et pas d'être à 21. Donc voilà. Juste une question, mais ça concerne aussi les uns et les autres. Est-ce que quelque part, il y a des territoires qui se sont engagés à 40 ou pourquoi 23? Parce que 23, c'est l'objectif national, oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment débat ou est-ce qu'on se dit finalement qu'allons-nous sur l'objectif national comme ça? Est-ce que c'est vécu comme un strict minimum, comme un gros effort, comme un vrai choix? Je crois qu'il y a des régions qui, des régionales qui se positionnent sur des moins 30, moins 40. Mais après, là, aussi ma question, c'est est-ce que les élus ils se sont engagés en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que moins 20% de consommation d'énergie, ça veut dire tant de logements réhabilités, réduire les émissions de gaz à effet de serre 20%, qu'est-ce que ça veut dire pour l'activité agricole si c'est le premier poste émetteur chez nous? Est-ce que c'est un affichage entre guillemets ou est-ce que sans langue de bois Alors non, alors sans langue de bois, je répondrai oui et non. Oui, mais ça, je l'évoquerai un petit peu après. Hein. Enfin, c'est vrai que oui, pour une partie d'entre eux, il y a une bonne prise de conscience. Enfin, disons que les degrés de prise de conscience et notamment de ce que les engagements devront générer sur le territoire en termes d'action, elle est réelle pour une bonne moitié, en tout cas, des acteurs publics du territoire. Elle est réelle parce qu'elle se traduit aussi déjà dans une politique de l'habitat. Enfin, on va lancer un programme d'intérêt général sur la réhabilitation, de lutte contre la précarité énergétique. Enfin, il y a plusieurs choses qui s'imbriquent et qui se traduisent opérationnellement sur le territoire. Sur le volet agricole, c'est plus compliqué. C'est quelque chose sur lequel on a des prises plus difficiles, à la fois les élus et puis nous, un petit peu... structure d'animation territoriale, c'est quelque chose sur lequel on a moins de... on sent qu'on a moins de prise et moins de leviers, ou des leviers moins évidents. Donc sur le volet agricole, je serais un petit peu plus réservée. En revanche, sur la question de l'habitat, c'est clairement en lien avec une politique que le pays avait déjà également identifiée dans son contrat. Et puis la question des transports et déplacements, c'est vraiment une question qui est également très complexe à aborder sur un territoire comme le mien, mais également comme d'autres territoires autour de cette table. L'année dernière, on a eu la chance d'être retenu territoire un peu test pour une enquête déplacement qui a été conduite par la DREAL et le CERTU de Lyon, pour voir un petit peu quels étaient les déplacements des habitants du territoire et la manière dont on pouvait... qu'est-ce qu'on pouvait imaginer pour améliorer, pour adapter l'offre et puis même la manière de se déplacer. Et ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que vraiment les caractéristiques du territoire, la localisation de l'habitat, la manière dont était organisé, mais assez historiquement finalement le pays, rendait extrêmement compliqué aussi la prise en main et puis l'action en matière de transport et de déplacement à l'échelle d'un pays comme celui-là. Mais bon, à mon avis, c'est une conclusion qui est totalement transposable sur d'autres territoires similaires. Parce qu'il y a une hyper-dépendance à la voiture et que même en imaginant la mise en place de transport à la demande, la mise en place d'un réseau beaucoup plus fin de transport collectif, et encore que, il est quand même. Ça ne répondrait que très partiellement à cet enjeu de diminution et que c'était extrêmement complexe à saisir. Donc voilà, là c'est un peu plus. C'est vrai que pour sans langue de bois non plus, sur les 23% qui sont effectivement l'engagement national, dans la mesure où on était dans un plan climat énergie territorial volontaire, je vous avoue que dans la prise d'engagement, les 23% au départ c'était oui, mais bon, comme on est déjà à 17, 20 ce serait pas mal, ça fait 3 fois 20, ce serait assez logique, etc. Donc voilà, ça a quand même malgré tout, on n'a pas d'obligation puisqu'on est volontaire et que déjà on s'engage volontairement, et ce qui était déjà très bien. Les 23%, ça a aussi fait l'objet d'une, bah voilà, d'une explication et puis de dire que oui, enfin, c'est pas parce qu'on est déjà à 17, parce que c'est facile, parce que tout le monde coupe son bois et puis à un poil, que c'est forcément pleinement satisfaisant et voilà, ça fait l'objet d'échanges. Donc pour le lien avec, pour le lien avec les outils de planification et puis la manière dont on arrive à impliquer le plan climat-énergie dedans, on a vraiment essayé d'être, ma collègue qui était sur le plan climat, je pense, a vraiment essayé de faire un énorme travail de pédagogie et de retranscription du plan climat-énergie. Comme étant vraiment pas un exercice intellectuel, parce que bon, ça peut paraître une chose de plus aux yeux des acteurs du territoire, mais comme quelque chose qu'il fallait vraiment voir comme étant une complémentarité, et puis finalement quelque chose qui s'imbrique de manière quasi automatique, parce que quand on aborde les questions d'aménagement, qui plus est au travers de PLU Interco, forcément, c'est ce qu'évoquait Renaud tout à l'heure, on va trouver, sans chercher trop, une manière de décliner de manière opérationnelle des engagements pris dans le cadre d'un plan climat-énergie territorial. Donc, mais comme pour le SCOT et comme pour les PLU, mais pareil, tout pareil pour le plan climat, il a fallu vraiment dédramatiser, entre guillemets, démystifier ce qu'il y avait derrière ça, pour faire en sorte qu'on soit écouté et puis que ça fasse pas peur et que finalement ils s'en saisissent comme un outil, comme un autre entre guillemets, et pas comme une contrainte ni quelque chose de totalement fumeux. Donc voilà, enfin, ça prend beaucoup de temps. On a fait beaucoup de... Enfin, il y a eu quasiment un an de concertation, les ateliers thématiques, les réunions publiques, l'élaboration d'un livre blanc qui reprenait l'intégralité des échanges lors de ces réunions thématiques, de partage de diagnostics, etc., que ma collègue a diffusé auprès de chaque collectivité, est allée exposer auprès des élus du territoire, sur la forme, pas juste dire voilà, ça se décompose comme ça, il y a 6 axes, il faut faire ça, il faut faire ça, mais vraiment sous forme d'échange assez informel pour soulever cette question du climat et de l'énergie dans notre territoire et voir un peu encore les freins qui pouvaient ressortir et faire se rencontrer les idées et puis surtout échanger et puis et démystifier vraiment. Et on a est arrivé le programme d'action vraiment qui a été nourri un peu de l'ensemble de ces éléments-là et bien sûr l'identification de crédits pour la mise en œuvre de ces opérations. Voilà, donc ça, bon, j'en ai déjà parlé sur la nécessaire implication au fil de l'eau et co-construction finalement de ces deux démarches. Voilà, donc à N+3, on est sur le plan climat-énergie et la manière dont il se décline aujourd'hui concrètement sur le territoire. Donc le programme d'action a été validé fin 2012, en décembre 2012. Et on a notamment, vous comprendrez compte tenu du fait que les PLU sont en phase PADD, que toutes les actions en amont et la participation de ma collègue en charge du plan climat dans les cahiers des charges, bien avant qu'il y ait ce programme d'action du plan climat, mais déjà pour... alerter et puis pour veiller à ce que les questions de l'énergie et du climat soient prises en compte. Donc on a notamment, mais les autres sont intéressants aussi, une communauté de communes du territoire qui a lancé un PLU Interco et qui a mené une démarche de type approche environnementale de l'urbanisme. Alors je dis deux types parce qu'il y a eu un travail conjoint avec l'ADEME et le Conseil régional sur l'élaboration du cahier des charges. Et les élus ont vraiment... bien avancé dans cette intégration des enjeux climatiques et énergétiques au sein de leurs documents. Et ils ont essayé de travailler sur plusieurs leviers, les formes urbaines, avec la réhabilitation du bâti en centre-bourg, petit centre-bourg, la lutte contre l'étalement, et la densification, je l'ai mis entre guillemets, parce que là, ça fait encore grincer des dents, c'est un peu compliqué quand même. On voyait les parcelles et le nombre d'habitants à l'hectare. Ça passe pas non plus comme ça, super frisouille, tout le monde a tout bien compris, c'est merveilleux. C'est, enfin là, là ils en sont au, enfin ils, bon, ils arrivent au règlement, etc., au zonage. Bon, ça, ça, bon, parfois ça cristallise encore quelques, mais bon, c'est plutôt quand même globalement satisfaisant. Un choix, ils ont compris que la localisation des services et la localisation de l'habitat et notamment de, du développement de l'habitat, voilà, ça se réfléchit. C'est pas comme ça juste parce qu'on a un terrain qu'on a acheté il y a 40 ans et puis qui est dispo, on le met là et puis c'est pas grave si c'est à 40 km de, des premières futures habitations. Et puis finalement, bah, les gens, ils ont tous une voiture, donc c'est pas grave, ils se déplacent. Hein. Ils ont l'habitude. La, la question des déplacements, elle est assez, je vous dis, elle est assez difficile à prendre en compte. Et puis le fait de trouver des alternatives bon, au recours systématique à chacun sa voiture et on est 1,1 dedans. L'installation, donc, pour l'instant, hein, de deux premières aires de covoiturage sur un axe qui est l'axe domicile-travail le plus fort hein, de notre territoire. Donc, ça, c'est le PLU de la frange Est, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est celui qui est le plus soumis à l'influence de l'agglomération d'Auxerre. Pardon ? C'est la, enfin, l'ancienne communauté de communes du Toussicois. Donc, il y a 12 communes de concernées. La communauté de communes qui, là, s'est élargie dernièrement sur une autre grande partie du territoire. Et donc, c'est un PLU, justement, un de ceux qui est amené à évoluer et à s'étendre. À partir de, enfin, dès l'année prochaine, ils engageront les démarches pour l'extension du PLU Interco. Et également, enfin, un travail bon, là, qui est un petit peu plus, un petit peu plus sur le long terme, hein, sur la valorisation de démarches d'éolien participatives. Donc la communauté de communes a fait venir le Varn, par exemple, hein, pour présenter un peu aux élus du territoire et aux habitants à l'occasion d'une réunion publique, comment on pouvait monter des projets d'éolien qui ne soient pas juste, qui n'émanent pas que de promoteurs privés. Bon, là, il n'y a rien d'engagé hein, sur le territoire. Pour autant, la communauté de communes dit qu'elle a ressenti une vraie dynamique et puis une oreille attentive sur le pays. Et il y a une chargée de mission environnement au niveau de la communauté de communes qui, dont c'est un des axes de travail, le fait de d'essayer d'aller plus sur cette thématique-là. Le Varn, L'association Varn, c'est en fait une association de protection. J'avais pas l'acronyme, quoi. Qui a vraiment ça, je voulais vous dire un peu. Ah d'accord, j'avais tout sur ça, j'aurais fait. C'est la valorisation de la recherche en environnement de l'Est. En fait, c'est une association qui a acheté sur Lyon, et la Vienne, qui notamment est à l'origine d'un projet participatif d'éolien à Clamcy, Clamcy-Oisy, qui sont deux communes du nord de la Vienne, près de... Oui, bah juste à côté d'une partie de la Forte, enfin de notre. Et donc ils ont eu l'idée que finalement un parc éolien pourrait être plutôt une affaire des communes, des collectivités locales et des citoyens. Ils organisent notamment des investissements par des clubs d'investissement en énergie renouvelable, citoyens, les CIRC, et donc avec l'idée que comme ça les retombées financières, donc déjà toute la gestion du parc et la transparence et tout ce qu'on reproche finalement au parc qui appartiennent à des grandes multinationales et qui sont une sorte d'investissement extérieur, une sorte de colonialisme sur les territoires ruraux, eux ils ont dit on ne veut pas ça, on veut un véritable investissement par les forces vives du territoire qui vont du coup bénéficier pas seulement d'un petit millième de taxes, mais directement l'ensemble des retombées économiques du parc. Oui, et puis il y a bon, effectivement, voilà, c'est très très bien résumé. Ce que souhaitait la communauté de communes, et enfin, ce qu'elle souhaite en tout cas en demandant, enfin, en identifiant sa chargée de mission sur le suivi, puis peut-être un petit peu mettre en place un terreau favorable à ce genre de choses, c'est pour favoriser la compréhension, enfin, l'information, la sensibilisation des habitants sur ces logiques-là. Et puis, si un projet doit voir le jour, qu'il soit le plus compris, le plus approprié possible, et que finalement, enfin, voilà, ça soulève moins de réticence, ou le moins de réticence possible, si toutefois il devait y en avoir sur des territoires de cette partie du pays. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire une petite synthèse hein, de nos facteurs de réussite, hein, mais je les ai déjà plus ou moins évoqués. Hein, nous, sur notre territoire, en tout cas, compte tenu de ces caractéristiques, c'est vrai que la planification, les outils type PLU, Interco, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est à promouvoir parce que justement il y a forcément des interactions, etc. Et qu'il faut que les communes, bon, s'il y a un plus, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est la planification en la repositionnant à une échelle intercommunale, bon, voire évidemment à l'échelle du pays, hein, pour ce qui est du schéma de cohérence, ça a permis vraiment de comprendre et puis de faire comprendre aux décideurs que tout était en lien et que forcément, même une décision qu'on prend, enfin forcément, que souvent une décision qu'on prend sur son territoire, elle a des répercussions, elle a des conséquences, alors positives ou négatives, hein, sur ses petits camarades à côté, et que du coup, c'était nécessaire d'interagir et de réfléchir à des échelles plus larges. La culture commune et homogène, alors ça, c'est, bon, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est absolument essentiel. Et ne jamais considérer que c'est acquis, voilà, parce que les gens changent, leur raisonnement évolue. Et donc ça, c'est super important. Et puis aussi parce qu'il y a parfois, il y a toujours dans un groupe des leaders d'opinion, et puis que si ce sont des leaders qui vont dans le bon sens, ça marche. S'ils vont un petit peu moins dans le bon sens, ou du moins c'est un peu moins constructif, ça peut détruire deux ans de travail, etc. Donc il faut toujours être vigilant à ce qu'on soit sur un équilibre, en tout cas, en matière de connaissances communes. Une dynamique et une volonté territoriale forte, mais ça semble être un espèce de... J'aurais dû le mettre en premier. L'essentiel aussi, c'est d'avoir toujours, dans la démarche de plan climat-énergie, une personne identifiée et puis une animation en continu. C'est... pour pas qu'on comprenne le truc en 2010 et puis qu'on se dise bon c'est bon là ils l'ont pigé et puis qu'après il se passe plus rien, ils entendent plus parler de ce que c'est que le plan climat, etc. Enfin, c'est important de toujours renouveler les informations et puis faire vivre la démarche de plan climat pour être sûr qu'elle soit toujours prise en compte et puis que les gens ne s'essoufflent pas et l'oublient quelque part. Et puis vraiment, la concertation, le sortir ce travail de... c'est pas juste un petit travail, on n'est pas un club plan climat entre initiés, il faut essayer de le partager le plus largement possible, parce qu'on a parlé des choses les plus fortes, hein, sur l'aménagement, etc., mais il y a aussi des choses dont on peut saisir tout un chacun, qui ont été évoquées hier, et qui font aussi partie de l'action du plan climat. Alors les points de vigilance, les durées d'élaboration de ces démarches-là, on l'a déjà un peu évoqué. Vous l'évoquiez, monsieur, également tout à l'heure. Enfin, à l'occasion du PADD qu'on valide, vraiment les choix politiques des élus. Enfin, on se dit on veut faire ça, on veut le faire comme ça, etc. Et puis après, un an après, arrive le travail, à peu près. Hein, sur le règlement, le zonage, et là, soit on est confronté en se disant « mais comment c'est possible, j'ai délibéré ça ?» et là, c'est le choc absolu, on démissionne et terminé. Il faut encore là rappeler pourquoi est-ce que ces choix-là ont été validés, qu'est-ce qui a conduit à prendre ces décisions-là et à les intégrer dans un projet de développement, d'aménagement et de développement durable de son territoire, et comment est-ce qu'on les retraduit. Et madame, vous parliez tout à l'heure de courage politique, et c'est vrai que, de courage aussi dans la prise de décision, et c'est à ces stades-là, généralement, qu'on mesure le courage. Parce qu'on arrive finalement à la traduction claire, nette et précise de ce qu'on a affirmé comme étant des enjeux pour son propre territoire, mais après, il faut l'assumer, et puis il faut être en capacité aussi, après, de le justifier, auprès de, notamment de ses concitoyens, en l'occurrence. Un petit point de vigilance sur la technicité, de certaines approches, parce que parfois, il ne faut vraiment pas hésiter à être humble et simple dans la manière dont on dit les choses, parce que on a déjà assisté à quelques réunions où honnêtement, au bout de 3 minutes, on avait perdu 98% de la salle, parce que c'était totalement incompréhensible. Nous tous, agents des Comcom, pays, on a mis 2 mois et demi sur le territoire à dire non, mais ne partez pas en courant, ça va bien se passer. Donc il faut, certes, il y a un cadre réglementaire très, très fort, qui est là et dont il ne faut pas se, enfin, se sortir. Mais bon, vraiment, il y a un enjeu de faire en sorte que ça ne semble pas un truc absolument énorme, quitte à ne pas employer des choses, des mots extrêmement techniques, extrêmement précis. Mais l'essentiel est de faire comprendre pourquoi il faut faire ça et puis comment il faut le faire. Voilà. Quitte à avoir l'impression parfois de... Enfin, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des mots simples, mais être sûr qu'on se comprenne bien tous. Et puis bon, là, ce que je disais, la réalité du territoire rend difficile, voire impossible, l'atteinte de certains objectifs. C'est ce que j'évoquais sur la question des déplacements, par exemple. On sait que de toute façon, il n'y aura pas de solution idéale. Et qu'on sera sera certainement sur de la broderie en fonction de différents sur les différents points du territoire, notamment en matière de déplacement, parce que voilà. Et puis trois petites choses: se donner du temps, le SCOT en 3 ans, moi j'espère que le nôtre on va faire en 3 ans, mais voilà, se donner du temps, ça c'est hyper important, franchement. Chasser une tendance à la recherche d'une perfection immédiate. Enfin, c'est vrai qu'on a des dispositifs qui nous arrivent, qui arrivent sur les territoires. Enfin, il y a une espèce d'émulation très forte, départementale, nationale, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis une espèce d'envie d'aller vite, mais bien évidemment, mais tout de suite, parce qu'il faut des résultats, etc. Et puis il faut que ce soit très bien, parfait même. C'est impossible. Et on peut pas. Et puis en plus, c'est impossible d'être parfait tout de suite, et c'est aussi impossible d'embrasser tous les champs tout de suite. Je pense que c'est pas impossible, c'est peut-être pas impossible, mais en tout cas, on a l'impression que ça l'est pas. Il faut pas chercher à aller partout tout de suite et très bien. Nous, sur le territoire, on a fait le choix, dans un premier temps, par exemple, de se concentrer sur les outils de planification et la lutte contre l'habitat indigne et puis la précarité énergétique. Voilà. Enfin, ce sont vraiment les orientations 2013-2014 sur le pays. En étant bien conscient qu'il y en a, il y a beaucoup d'autres champs sur lesquels il faudrait agir, mais en étant aussi super conscient que de toute façon on ne peut pas tout faire intégrer comme ça en l'espace de 1 an, même 2, c'est impossible, parce que ça suppose quand même beaucoup de prendre en compte énormément de paramètres. Et donc voilà, là encore il faut se fixer des objectifs alors ambitieux mais malgré tout atteignables. Et il faut accompagner toujours et pas décréter la transition de son territoire ou les transitions de son territoire. Parce que acquérir une culture de l'aménagement, c'est franchement une méga transition. Sur un territoire comme le mien, c'est un truc énorme. Donc associer la question de l'énergie à cette transition et culture d'aménagement, c'est aussi une transition. Donc voilà, il ne faut pas juste dire bon ma pop, voilà, ça y est, on est en transition. De l'aménagement, on est en transition énergétique et puis on est tous comme ça, on a tous des petits maillots verts et puis on y va. C'est pas aussi simple que ça, et la notion d'accompagnement et d'accompagnement continu, nous ça nous semble tous, que ce soit les agents dans les Comcom ou nous au niveau du pays, le point essentiel, quoi, parce que sinon on a le sentiment d'imposer et d'être contre-productif. Voilà, je pense. C'est tout. Merci.